بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال من الصفحة 17 بعد 100، لا بل 14 بعد 100. سكت تعظيم كستيون. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى: كثيرا ما نسمع أو نقرأ في بعض المجلات عبارات للمرأة: جمالك وأناقاتك وأناقتك وديكور المنزل طبق اليوم، وهي في الحقيقة أو هي في حقيقتها إذا قضت المرأة كل وقتها في هذه الأمور فإن هذا الأمر سيبعدها عن منهتها مهنتها الأساسية من تربية الأولاد وصنع الأجيال وطاعة زوجها وغير ذلك من أساسياتها، فما تعليقكم على هذا الأمر؟ Donc l'interrogé, le cheikh رحمه الله تعالى, dit au questionneur, nous entendons beaucoup ou nous lisons dans beaucoup de magazines, de journaux, des expressions visant la femme, comme des titres d'articles ou ainsi de suite, comme مثلاً ta beauté, ton élégance, le décor de la maison et ainsi de suite, et qui sont en réalité des choses que si la femme elle y passe tout son temps, cela va l'éloigner de sa tâche initiale qui est d'éduquer les enfants, qui est de préparer les générations futures et qui est d'obéir à son mari et autres. Donc quel est votre commentaire par rapport à cela? C'est-à-dire maintenant que le questionneur interroge à propos des choses par lesquelles on attire la femme pour l'occuper par autre chose que ses devoirs religieux. فأجاب رحمه الله تعالى الذي أرى أن مثل هذه العبارات يجب أن يتحاشاها المجتمع المسلم في الصحف والمجلات، وأن يؤخذ على أيدي من ينشرها أو من ينشرونها ويمنع من نشرها. Donc il a dit, moi ce que je vois, c'est que ce genre d'expression, il faut les délaisser, s'en éloigner. C'est-à-dire la société musulmane doit s'en éloigner dans les journaux, dans les magazines, et qu'il faut interdire à ceux qui usent de ce genre de procédé d'agir. Et là, le chir, il parle de son époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on a d'autres moyens, d'autres procédés qui sont comme Internet, les sites, les réseaux sociaux et autres, qui sont là pour attirer la femme, qui ont été étudiés exprès pour attirer la femme, ce qui l'emmène à la détourner. Et c'est une chose qu'on voit fréquemment, des femmes, par exemple, qui passent un temps incroyable sur les réseaux au détriment de leurs devoirs religieux. Et ça amène à des conflits conjugaux incroyables. Alors qu'à la base, ce n'est pas son rôle. Maintenant, si elle a un peu de temps libre et qu'elle ne va pas avoir des choses illicites, elle a le droit. Mais ça, c'est en cas de temps libre. Sans quoi, la priorité, c'est ce qui a été cité là dans la question. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe du foyer et elle s'occupe d'obéir à son mari. Et cela prend énormément de temps. Aïcha, radhiyallahu anha, n'arrivait pas à rattraper ses jours manqués de Ramadan, si ce n'est au Shawwal, Charben de l'année d'après, tellement elle était occupée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'avait même pas d'enfant avec elle. Et elle avait des co-épouses. Donc que dire d'une femme aujourd'hui qui est seule avec son mari avec plusieurs enfants? Comment peut-elle faire? Donc c'est à ça que l'auteur appelle. Donc faire attention à ce genre de titre et ce genre de choses pour appâter la femme qui l'amènerait à délaisser ses obligations religieuses et elle en sera interrogée au Qiyamah par son Seigneur. ثم قال في السؤال الخامس عشر بعد المئة سئل الشيخ رحمه الله تعالى قد راجع على بعض الناس ما بثه أعداء الإسلام من أمور مدبرة وعزو مخطط له مثل قولهم إن الإسلام قد هدم حق المرأة في المجتمع فأقعدها في البيت وترك نصف المجتمع معطلا فما تعليقكم على هذا الأمر وردكم على هذه الشبهة أو الشبهة. Donc là c'est la 115e question qui est également en relation avec le sujet de la femme. Le questionneur dit que beaucoup de gens diffusent ce que enseignent les ennemis de l'islam dans les choses qui sont à la base des choses planifiées pour pouvoir s'en prendre à l'islam, comme on appelle ça une conquête spirituelle, ça veut dire pour pouvoir coloniser l'esprit des gens. Ils disent, c'est-à-dire ces gens-là parmi l'islam, diffuse des paroles venant des gens, des ennemis de l'islam. Comme le fait de dire que l'islam a détruit le droit de la femme dans la société. et qu'ils l'ont bloqué, l'islam a bloqué la femme dans la maison. Et donc, il a laissé la moitié de la société au chômage. C'est-à-dire que la femme ne travaille pas, qui représente la moitié de la société. Alors que ce n'est pas vrai, la femme représente bien plus que la moitié de la société, car les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, il dit, quel est votre commentaire par rapport à cela, et la réponse à cette ambiguïté. Donc, il dit, rahimahullah ta'ala, تعليقي على هذا الأمر أن هذا القول لا يصدر إلا من جاهل بالشرع وجاهل بالإسلام وجاهل بحق المرأة معجب بما عليه أعداء الله من الأخلاق والمناهج البعيدة عن الصواب. Donc il dit, en réalité ce genre de paroles ne proviennent que de gens qui sont ignorants de la législation, ignorants de l'islam, ignorants du droit de la femme, et qui sont eux-mêmes, ils aiment justement le mode de vie des ennemis de l'islam, dans leurs mœurs, dans leur croyance et dans leur façon de faire, qui sont en réalité loin de la vérité. والإسلام ولله الحمد لم يهدم المرأة حقها لكن الإسلام دين الحكمة ينزل كل أحد منزلته فالمرأة عملها في بيتها وبقاؤها في بيتها حفظ زوجها وتربية أولادها وقيامها بشؤون البيت العمل والعمل مناسب لها. Donc il a dit l'islam et la longévité d'Allah n'a pas détruit le droit de la femme, pas du tout. Cependant, l'islam est une religion de sagesse qui remet chacun, qui met chaque personne à sa place, à son rang. Donc la femme, c'est quoi son travail? C'est son travail, c'est dans sa maison. Qu'elle y reste dans sa maison. Et qu'elle protège son mari et ses biens en son absence. Qu'elle éduque ses enfants. Qu'elle s'occupe des devoirs domestiques. Et c'est ça le travail qui lui est approprié. Par rapport à sa nature, comment elle a été créée, par rapport à sa force et autres. C'est ça qui lui convient, c'est ça que Allah Azza wa Jalla a décrété pour elle. وَالرَّجُلُ لَوْ عَمَلٌ خَاصٌ وَظَاهِرٌ الَّذِي يَكُونُ مِنْ بِهِ طَرَبُ الرِّزْقِ وَانْتِفَعَ الْأُمَّةِ. Et là, quant à l'homme lui-même a des travaux qui lui sont spécifiques, des tâches qui lui sont spécifiques, dont comme le fait de rechercher la subsistance pour lui et pour sa famille justement, ou le fait d'apporter un profit à la communauté. De n'importe façon, tant que cela reste légiféré. D'accord? Que le travail de l'homme, quoi qu'il fasse, cela apporte profit à la Ummah de façon générale. Et l'homme ne peut accomplir ce genre de choses s'il n'a pas quelqu'un à son service qui lui permet de ne pas passer son temps à la cuisine, dans la maison, car l'homme n'a pas le temps de faire ça, il a d'autres choses à faire. Donc, c'est un travail d'équipe. La femme fait le travail initial de base du foyer, et l'homme fait celui qui est à l'extérieur du foyer. Donc, c'est un travail d'ensemble. Et si la femme ne fait pas son travail, l'homme ne pourra pas faire le sien également, car il sera occupé par d'autres choses. Donc, il dit... وهي إذا بقيت في بيتها في مصلحته ومصلحة أولادها ومصلحة زوجها كان هذا العمل والمناسب لها. Donc la femme en restant chez elle, c'est dans son intérêt à elle, dans l'intérêt de ses enfants et dans l'intérêt de son mari. C'est cela le travail qui lui est approprié. Car ses enfants, ses fils par exemple, qui deviendront-ils par la suite? Eux-mêmes des hommes. Eux-mêmes seront des hommes qui eux-mêmes auront des femmes. Donc la femme, dès maintenant, elle inculque à son fils de devenir par la suite un bon mari, un bon père. Car l'homme lui-même, s'il est absent ou occupé, ne pourra pas s'en charger correctement. Alors que la femme, elle, justement, elle est là, elle a le temps qui est là pour ça. Et elle a le comportement, et elle a les, on va dire, la nature qui est là, qui est pour ça. On parle des femmes restées sur leur nature saine, pas celles qui ont été dénaturées, qui ont changé. وَفِهِ مِنْ سِيَانَتِهَا وَحِفْذِهَا وَإِبْعَادِهَا عَنِ الْفَحْشَةِ ما لم يكن في ما لو كانت تخرج وتشارك الرجل في عمله. Et donc cela contient pour elle une protection qui l'éloigne des turpitudes. Chose qui ne pourrait se produire si elle devait sortir et participer au travail au milieu des hommes. ومن المعلوم أنها لو شاركت الرجل في عمله لكان في ذلك ضرر حتى على عمل الرجل لأن الرجل لو طمع غليظي نفسي في المرأة. Et si elle devait se mélanger aux hommes pour travailler, cela aura même des répercussions sur le travail de l'homme. Déjà sur elle-même et sur le travail de l'homme. Pourquoi? Car l'homme est de nature attiré par la femme, fortement. D'accord? C'est une chose qui est en lui. L'homme est écrit pour être attiré par la femme et la femme par l'homme. Et là, on parle de gens normaux, on ne parle pas des homosexuels ou des gens qui ont été dénaturés, sortis de la nature saine. On parle de gens qui sont sortis sur la base humaine. فَيْذَكَنَ مَعَهَا فِي عَمَلْ فسوف ينشغل بها المرأة أو بهذه المرأة لا سيما إذا كانت المرأة شابة جميلة وسوف ينسى عمله وإن عمله لم يتقنه. Donc si la femme reste au milieu de l'homme, au milieu des hommes, et particulièrement une femme qui serait jeune et belle et attirante, cet homme en viendrait oublier son travail. Et quand bien même il le ferait mal. Quand il serait perturbé par cette femme-là, il sera attiré par autre chose. Il aura l'esprit attiré par autre chose. ومن تدبر حال المسلمين في صدر هذه الأمة عرف كيف صانوا نساءهم وحفظهن وكيف قاموا بأعمالهم على أتم الوجوه. Et ceux qui méditent sur les générations premières de l'islam verront comment ces gens-là ont protégé leurs femmes. Ils ont préservé, ce qui leur a permis justement d'arriver à un niveau très avancé par rapport aux autres communautés. Pourquoi ? Car ils avaient compris comment appliquer l'islam et séparer la femme de l'homme. Et d'ailleurs, même le kuffar auparavant était là-dessus. Il séparait la femme de l'homme. Les écoles n'étaient pas mixtes. Au travail, dans les entreprises, dans les usines ou quoi, les gens n'étaient pas mixtes. Car ils savaient que s'il y avait un mélange, cela avait amené à quoi ? À la turpitude. Et cela était encore dans leur mœurs, ce qu'ils avaient encore gardé dans leur religion. Mais aujourd'hui, cela a été complètement changé. Les mœurs sont complètement perverties. Les choses complètement retournées. Et de là, la perversité s'est fortement propagé et même des koufars s'en plaignent et s'en rendent compte. Combien de femmes sont au travail, se plaignent de harcèlement sexuel, elles se plaignent de ce qu'ils appellent du sexisme et autres. Pourquoi ? Car la femme, à la base, les koufars se servent d'elle. Car le travail qu'elle fait n'est pas là pour apporter une contribution à la société, elle est juste là pour assouvir leurs besoins. Alors que nous, en islam, la femme restant à son foyer, c'est là qu'elle apporte un grand soutien et un grand besoin au mujtama. Quoi qu'en pensent les koufars et les gens qui veulent vivre comme eux. D'accord ? Et d'ailleurs, comme certains ulama l'ont dit, ce qu'ils appellent eux, liberté de la femme, en fait, ce qu'ils veulent, c'est faire sortir de la femme pour mieux arriver à pouvoir l'exploiter et se servir d'elle. En réalité. Donc ceux qui en réalité exploitent la femme ne sont pas les musulmans qui appliquent leur religion, ce sont les koufars et ceux qui leur ressemblent. Ce sont eux. D'accord ? En détruisant la femme, tu détruis un foyer entier. Et en détruisant un foyer entier, on détruit une société entière. Wal'a'azubillah. Fa'adha ladhi akhadna al-yum min hadhihi al-as'ila. Walhamdulillahi rabbil alamin.